Bonjour, il faudra que je commence avec quelques remarques sur la nature du travail et sur le contexte dans lequel ce travail se fait. Il s'agit d'un travail en histoire de l'urbanisme. C'est sur quoi je travaille depuis le moment, c'est l'histoire des rapports entre les savoirs des sciences sociales et humaines, d'une part, et d'autre part, le savoir-faire urbanistique. J'ai beaucoup travaillé sur la période entre 1910 et 1930 où l'urbanisme s'invente en tant que profession en France. Et ce qui m'a tout particulièrement intéressé, c'est le fait que l'urbanisme devient possible à partir du moment où il existe quelques disciplines de sciences sociales à l'université. Tout cela est très clairement raconté dans le livre de Armand Montigny qui s'appelle De la ville à l'urbanisation. Il met en avant le fait que ce qui permet à l'urbanisme d'exister en tant que profession et en tant que discipline théorique, c'est l'existence de trois disciplines. L'un, c'est la morphologie sociale. Et là, évidemment, il s'agit d'une forme de sociologie qui a eu lieu bien fond et au cours de Emile Durkheim et de ses textes méthodologiques. Deuxième discipline, c'est de la géographie humaine. Et là, la figure de Proust de l'époque, c'est Paul Vidal de la Blache. Troisième discipline, c'est la statistique sociale, dont les origines sont peut-être un peu difficiles à associer à une personne en particulier. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'était de, en quelque sorte de tracer les rapports entre, de regarder de près les rapports entre les savoirs et les savoir-faire dans cette période. Et je le fais autour d'une personne qui est à l'origine chartiste, c'est-à-dire spécialiste des documents, d'archives, de leur conservation et de leur interprétation. Il est également historien et, curieusement, il devient urbaniste. Il participe à la formation de la discipline de l'urbanisme en France et même à la conception de la toute première, du tout premier plan d'extension, proposition d'un plan d'extension avec l'architecte Louis Bonnier en 1913. Ce qui est intéressant avec cette personne, c'est le poète, donc que à travers lui, on voit tout, on peut rentrer dans la question de l'articulation des savoirs et des savoir-faire, de l'urbanisme, au moment même où cette discipline s'invente. Il s'agit d'un historien, donc, quelqu'un qui conçoit l'histoire avant tout en tant que science de l'observation. Il est très important, c'est très important cette idée. C'est quelqu'un qui met en avant la dimension de l'observation et qui, comme beaucoup d'historiens de son époque, a une très grande méfiance envers les conceptualisations fortes, qui s'inquiète beaucoup, qui réfléchit beaucoup sur ce que pourrait être une utilisation recevable du principe de la causalité. Voilà, ce sont ira à un moment donné jusqu'à écarter entièrement tout recours au principe de la causalité en faisant référence notamment à Gabriel Tarbes, aux écrits de Gabriel Tarbes et d'Henri Bergson. Voilà. Quelques éléments biographiques pour qu'on puisse terminer cette introduction et après démarrer sur la question de la promenade en tant que, l'objet d'une écriture historique. Donc, poète et conservateur en chef de la bibliothèque et des travaux historiques de la ville de Paris à partir de 1906. Comme j'ai déjà dit, 1913, une année après la création de la Société française des urbanistes. Et seulement 3 ans après, la première fois qu'on trouve en langue française le mot urbanisme utilisé dans un texte, il participe à un projet qui, avec un projet qui. Un projet de. Qui propose quelques principes pour l'extension de Paris à une époque où, justement, le plan d'extension ne peut plus se passer comme avant, puisque il n'est plus question, disons, de tout simplement de déplacer une enceinte de ville et d'annexer une partie de la campagne à la ville. Il s'agit désormais d'agir dans un contexte suburbain, contre-éculaire, qui grandit à une vitesse qui est effrayante, dans laquelle il y a aussi des recompositions au niveau des migrations de population et la création des conditions sociales insolites. Il y a aussi des problèmes de santé, de tuberculose, etc., qui se posent de manière très grave. Alors, cette ville grandit, et il faut, d'une manière ou d'une autre, arriver à se confronter à cette croissance qui fait peur. Je vais insister sur le fait qu'on a peur de cette croissance, et que cette peur ne va pas s'estomper rapidement. Quoi. Déjà, encore en 1824, Le Corbusier peut écrire des choses comme architecture ou révolution. Évidemment, là, l'idée étant qu'à travers l'architecture, on peut apaiser les conflits sociaux, on peut organiser la vie sociale de manière convenable, une fois pour toutes. Hein. C'est pas ça qui m'intéresse, mais c'est tout simplement l'idée que même aussi tard que 1824, on peut avoir encore cette peur de l'insurrection sociale. On va faire quelque chose d'un peu d'exceptionnel avec sa bibliothèque, dont les années, il est difficile de dire exactement à quel moment, mais entre 1913 et 1920, la bibliothèque historique devient pendant quelque temps une bibliothèque d'urbanisme. C'est-à-dire qu'on reprend toutes les sources qui sont à cette bibliothèque et qui permettaient d'écrire l'histoire. Et on les réorganise de façon à produire un savoir urbanistique qui ne serait pas complètement différent, mais qui ne serait pas tout à fait la même chose non plus, puisqu'il s'agirait donc d'une pensée tournée vers la définition du mode d'action. Ok, alors, 1919, il y a. À cette bibliothèque, la création d'un institut d'histoire de l'économie et de géographie urbaine, un institut créé par Marcel Poët avec d'autres personnalités de l'époque, et dans lequel on trouve entre autres Lucien Febvre, Jean-Paul, Maurice Albax, etc. Alors, le seul élément un peu solide qui est issu de cet institut, c'est la revue de la vie urbaine, dans laquelle, on peut penser qu'aujourd'hui, on prend par exemple des articles majeurs de Albax et d'un certain nombre d'autres urbanistes, etc. Bon, alors. Dernier mot, parce que avec ce point que je peux maintenant entrer dans ce que j'ai à vous dire directement sur la promenade. Le travail que je vous présente est donc un petit morceau de thèse que je reprends après un engagement se fait à partir des papiers personnels de poète que j'ai trouvé à la bibliothèque historique. C'est un archive qui est plus ou moins dédié. J'ai eu le bonheur ou le malheur de trouver, après un an de travail, qu'il y avait une deuxième collection d'archives qui était cachée parce qu'on ne pouvait pas la communiquer et qui était infiniment plus intéressante. Qu'est-ce que c'est une collection de sources iconographiques, 25 000 images de Paris, photographiées sur diapositive, sur verre. Ces images sont en plus numérotées et classées également dans le fichier de cartes thématiques et des classes. Cela m'a permis de comprendre, enfin de ça confirme une hypothèse, plutôt que la source principale de la lecture historique du travail d'observation de poète était donc la source iconographique. Alors, je dois spécifier que très peu des diapositives comprennent des plans. Il y a presque rien d'autre que des photographies, des gravures, des peintures, des dessins, que des vues, donc. Des espaces qui seront donc mis en relation. Alors, il y aura un travail de critique, un travail critique fait sur ces sources afin d'arriver à la vision la plus fluide, la plus juste de l'évolution du cadre spatial de Paris à travers l'ensemble de son histoire. Et en même temps, et c'est ça qui est passionnant, une observation minutieuse des pratiques spatiales. Et dans les cultures de poètes, il s'agit toujours d'abord de raconter des pratiques spatiales et seulement après de s'intéresser au cadre. Mais l'idée de fond est en quelque sorte de rendre les deux inséparables et de voir, d'étudier la manière dont chacun influe sur l'autre. Voilà, alors je suis en. Je vais maintenant entrer directement dans la question de promenade qui, dès 1913, justement, devient une thématique de recherche historique importante pour le poète. Et il va l'aborder dans un premier temps à travers le XVIIe siècle. Alors, il y a un premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui qui s'appelle La promenade à Paris du XVIIe siècle, qui aborde donc cette question de la manière la plus directe. Il y a une chose un peu curieuse dans ce livre qui commence tout de suite à parler dès la première page. Enfin, la première page est consacrée à la question des espaces libres, donc une notion importante pour les urbanistes de l'époque de poète, une notion qui n'a pas existé avant. Et on peut en quelque sorte interpréter ce livre comme une sorte de présentation de la préhistoire d'une notion. Une notion qui est d'ailleurs liée à d'autres, comme celle de comme l'idée du poumon vert. Ou de la fonction respiratoire dans la ville. On est quand même à une époque où les métaphores de l'organisme sont absolument. Enfin, on ne peut pas y échapper dans les textes d'urbanisme. Ces métaphores sont partout. Poète les utilise, mais en même temps, il semblerait qu'il aurait envie, quelque part, de montrer que n'importe quelle fonction de la ville doit avant tout être considérée comme ayant une histoire. Il n'y a pas de fonction a priori. Les fonctions, une manière de les concevoir, émergent dans l'histoire, à travers l'histoire. Donc, en ce sens-là, je vais anticiper sur l'hypothèse que je fais, qui est quelque part l'œuvre de poète. Peut être compris comme une sorte de critique largement implicite de la tendance à appliquer des concepts trop forts, des concepts a priori à la ville, peut aussi être compris comme une expression d'inquiétude justement par rapport à ce que peut aux effets d'une application sauvage du principe de la causalité, enfin des relations de cause à effet, dans le travail de l'urbanisme. Alors, pour aller juste un peu plus loin, et là on plonge directement dans le document, dans le livre, parler des fonctions, évoquer la métaphore de l'organisme à l'époque, c'est donc parler de circulation, de circulation, de. Excusez-moi, je vais vous prendre une note. Excusez-moi, j'ai fait un saut. Je vais avancer et je reviendrai au point que j'avais envie de vous présenter à ce point. Qu'est-ce qu'on peut constater dans ce livre? Déjà, il comprend des récits concourants, je dirais. Il y a une démultiplication de récits qui racontent différents phénomènes émergents dans l'espace de la vie du XVIIe siècle. Il y a recours souvent à la digression et à l'anecdote, à des citations longues de sources. Et on le verra tout à l'heure, des illustrations qui sont toujours présentées par deux, sauf à une exception par trois. Et il s'agit dans chaque cas de le même espace montré dans deux gravures, de façon en quelque sorte à représenter, dans la juste position en question, crée une sorte d'impression de dynamique, évoque la dynamique de l'espace, en montrant différents mouvements d'une journée, différentes activités qui ont lieu dans l'espace, etc. Alors, le tout premier point sur lequel il a insisté, c'est le dégagement des espaces dans la vie au XVIIe. On dégage les espaces le long de la Seine, au port de la ville. Et ce qui va avec ce dégagement des espaces, c'est le déplacement des tanneries, des abattoirs et d'autres fonctions très polluantes qui sont situées en plein centre de Paris. Il faut imaginer qu'à Châtelet, on trouve des tanneries, à côté on trouve l'Hôtel Dieu qui jette tous ces odeurs directement dans le ciel. Donc les dégagements des berges l'un des buts est donc de rendre l'air plus pur. Voilà, on va procéder par touches. Il y a d'autres éléments donc, à cette époque, un goût qui se présente pour la marche. Tout d'un coup, les gens se mettent à marcher dans ces espaces qui se dégagent, ces espaces qui sont un peu moins, peut-être, qui sont plus accessibles et plus agréables à vivre. On se met à prendre de l'air. Très vite, cette volonté de prendre l'air va prendre une sorte de forme, la forme de la promenade. Pourquoi? Parce que on va commencer à imiter des pratiques qui existent dans le cadre des jardins, des pratiques de la noblesse, qui se promener à la campagne ou dans les grands jardins. Ces pratiques, qu'est-ce que je veux dire par cela? Bon, déjà, on va appliquer commencer à planter et à aménager les espaces de Paris en utilisant des dispositifs qui viennent du jardin français et de l'aménagement et de l'aménagement des champs. Le plus important de ces éléments est tout simplement l'avenue et l'origine et l'allée qui est une allée qui traverse les champs. Donc, il y a une, la ville qui commence à ressembler à la campagne. Il y a une sorte de jeu de mémoire, il faut un jeu de reflet, d'une certaine manière, qui s'installe peu à peu entre la ville et la campagne. On va en mirage jusqu'à introduire aussi des éléments stylistiques de l'architecture de la maison de plaisance ou du château à la ville. La place de Vosges, par exemple, est construite avec des briques rouges, des briques rouges qui n'a jamais été utilisée dans Paris, jusque-là, n'a été trouvée qu'à l'extérieur. Voilà. Donc, il y a donc cette pratique de la marche, qui, ou plutôt de la promenade, qui doit se faire dans ces espaces qui vont de plus en plus ressembler aux espaces de la campagne. Il rend en même temps différentes formes précises de promenade qui vont se présenter. Les jeux, par exemple. Une bourgeoisie un peu moins fortunée va jouer au maille, qui est une sorte de jeu qui se joue avec une mallette. Je vous montre tout à l'heure les images. Il y aura une extraordinaire forme de promenade en carrosse qui va s'implanter sur les cours. La cour étant une forme qui est amenée par les Médicis de l'Italie et implantée à Paris. Une sorte de machine à promener assez extraordinaire. Il y a des jeux d'épée également. Mais il y a aussi des jeux plus secrets, puisque le texte évoque aussi les espaces chargés d'érotisme, des lieux où on va se cacher, où on amène son amant, etc. Ils sont des espaces juste à l'extérieur de la ville, proche des étangs. Dernier élément de cette esquisse très rapide que je vous fais, des différents éléments constitutifs du livre qui se juxtaposent d'une certaine manière, se croisent. Hein, il n'y a pas de chronologie stricte, alors que nous sommes en train de parler de 100 ans de production de la ville. On présente tous ces éléments un petit peu les uns côté des autres. Hein, et il semble comme si le plus important était de montrer une sorte de comment chacun est lié à chaque autre. Hein. Ce n'est pas autant le sens strict de la chronologie qui compte que le sorte de l'évolution concourant de plusieurs phénomènes. Ce qui, voilà. Je n'ai pas le temps de rentrer à fond dans cette question, mais l'hypothèse que je fais est que cette structure non-chronologique qui insiste beaucoup sur la description et sur l'émergence est lié d'abord avec le bergsonisme et plus tard dans le tableau de poète avec une lecture beaucoup plus serrée des textes de Bergson. Je fais une distinction, je pense qu'il y a une distinction importante à faire entre le bergsonisme, qui est un phénomène de société énorme à l'époque, qui passe par un certain nombre d'auteurs comme Peggy, par exemple, hein, et rencontre ce phénomène de société. Et puis, la lecture des textes beaucoup plus serrés que peut-être qu'on pourrait peut décider de faire plus tard. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer des images. Je me suis rendu compte qu'il était très difficile de vous raconter les différentes thèmes qui sont dégagés autour de la question centrale de la promenade en vous montrant des images, parce que chaque thème est présent à chaque fois qu'on évoque un espace différent. En fait, le livre raconte les espaces les uns après les autres et à chaque fois va, dans une mesure de façon différente, dans une mesure différente, évoquer les différents thèmes dont je vous ai parlé. C'est donc la seule photo que nous avons citée. Donc, le livre de 1913, qui, je vous rappelle, date de la même année que le projet de Bonnier et de Poète pour la périphérie de Paris. Voilà, donc une première juxtaposition d'images et que la saisissante, il me semble, il s'agit de la place des Vosges, qui s'appelait encore à l'époque la place Royale. On voit en haut, par une journée normale, où il y a des gens qui se promènent un peu librement, des gens de qualité, ce que les bourgeois ou les meubles, ce que les autres n'ont pas forcément accès aux espaces, même à des espaces clôturés dans l'espoir de l'époque, dans les places. On voit une sorte d'utilisation un peu diffuse de la place, des groupements qui se forment et qui sont longuement commentés à différents endroits dans l'œuvre écrite de poète. En bas, nous avons une vue qui à partir d'en haut, on voit un peu à vol d'oiseau l'espace de la place Royale pendant un jour de carrousel, un jour où il y a des parades de soldats, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, on a un petit aperçu de l'intimité des jardins derrière la place. Voilà. Ici, donc, une promenade des bains dans l'un des lieux qui est une sorte de secret mal gardé de la périphérie de Paris, en bas, et une fête qui a lieu dans les environs de Paris. Il est devenu à cette époque, il y a une sorte de mode d'aller à la campagne, de s'habiller de manière rustique. De goûter, si vous voulez, à la vie des campagnes, mais de manière finalement complètement urbaine, puisque tout est artifice. Alors ici, il y a un dessin assez fascinant. On voit en haut l'espace du jeu de mailles qui s'installe dans ce qui est sur le long de la Seine, pas loin du côté est de l'entrée est de Paris, par la Seine près de Bastille, de Canal Saint-Martin. Alors ici, le mail se joue de façon linéaire entre les rangées d'arbres et il y a des espèces de barrières qui sont là et sur lesquelles, qui étaient autrefois utilisées pour rouler des canons. L'idée était de protéger l'entrée de Paris en ayant des canons qui étaient capables de se déplacer pour tirer sur les bateaux de l'agresseur qui voulait arriver. Alors, donc, dans cet espace, on va replacer le jeu et le texte de poète va un peu insister une sorte de qualité phénoménale de l'espace qui a des rapports avec ce mouvement glissant entre les rochers. En bas, vous voyez donc la situation du mail pas loin de là. Enfin, là, vous voyez également les bateaux sur la Seine. Ce qui est intéressant ici, c'est la nature même de la vue. Hein. C'est le genre, ce genre d'image de gravure est nouvelle à l'époque. C'est-à-dire une image d'une représentation paysagère de la ville qui a une nature très théâtrale. D'ailleurs, la vue à vol d'oiseau correspond à une mode de représentation de l'espace théâtral qui sera approprié pour faire une représentation de l'espace de la vie. La vue en perspective légèrement en hauteur. Insister sur le fait que le sens de la beauté de la ville est né donc à cette époque-là, un sens particulier de la beauté qui a rapport avec ce tumulte. Avec le mouvement et tout le monde dans les espaces de plus en plus larges. Alors, je suis désolé de la mauvaise qualité d'image. Ici, il s'agit de la cour La Reine. La cour La Reine se situe parallèle à la Seine, à peu près à la hauteur du Grand Palais aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est? C'est donc un portail Un portail est parallèle à la Seine, ensuite on a plusieurs rangées d'arbres. C'est une pièce entièrement isolée dans la campagne à l'époque. Et l'idée est qu'on arrive en carrosse, on rentre dedans, et dans les trois voies à l'intérieur, on circule, on fait des boucles en carrosse. Donc la promenade en carrosse, ça sert qu'à ça. Ce n'est pas une voie qui peut avoir une autre vocation que le pur plaisir de circuler, d'être vu, et de regarder les autres, etc. Cet espace est très, très amplement évoqué dans la littérature de l'époque, hein, avec du point de vue en référence souvent à son aspect, c'est-à-dire érotique, au fait que là, il faut, à la présence de la femme, et là, beaucoup du vêtement, etc. Les thèmes qui sont évoqués par Boël font écho, on peut dire, aux thèmes qu'on trouve dans le texte, le fameux texte de Zimmel sur la femme. Hein, c'est très intéressant, le thème de l'individualité qui émerge dans la société moderne, lié donc, à la présence de la femme et au vêtement. Est ici présent sous une forme beaucoup moins développée, mais en même temps très similaire. Voilà. Ici, deux vues donc, de l'hôtel qui sont sur les berges de la Seine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la vue à partir de la terrasse en bas, de la terrasse de l'hôtel, vers cet espace qui est finalement une sorte de délaissé. Il n'a pas été aménagé. Beaucoup des espaces de promenade, d'ailleurs, ont été repris par les gens, n'ont pas été aménagés. Ce n'est que plus tard qu'on va commencer à organiser la ville dans son ensemble de façon à accompagner l'activité de promener. Dans un premier temps, c'est une activité qui s'invente plus ou moins spontanément le long des berges et qui va peu à peu s'emparer des espaces. Des grands jardins existants dans la ville, comme le Louvre, etc. Ce n'est que plus tard, donc, à une exception près, on va créer cet espace de promenade à part entière. Voilà. Alors maintenant, nous sortons de ce livre. Ce que je veux faire très vite en conclusion, c'est de montrer comment la question de la promenade, qui est au centre d'un livre, devient un peu périphérique dans un autre. Devient l'un des thèmes, car ça devient un thème parmi d'autres avec lequel Boël va tisser le récit du livre qui s'appelle Une vie de cité, qu'il écrit dans les années 20. Donc ici, on va évoquer la promenade, le rapport avec la place Dauphine qui se construit à l'époque avec. Au bout le pont neuf, qui est le premier pont à être complètement dégagé, donc le premier à donner une vue sur la ville et aussi le premier à avoir des trottoirs, hein. Donc il y a donc une intensité de vie extrême sur ce pont. C'est un lieu à partir duquel on va dessiner sans arrêt des vues de la ville de Paris, de la Seine avec des bateaux qui passent, etc. Peu de temps plus tard, on va construire donc, la façade du Palais des Quatre Nations, aujourd'hui le Collège de France, de façon à regarder la Seine. La Seine n'est plus ce vers quoi on tourne le dos, c'est désormais la Seine vers laquelle, enfin la Seine vers laquelle on va s'orienter. Voilà, dont un autre genre de gravure qui devient très répandu à l'époque, c'est celui-ci. Il s'agit de montrer des scènes de vie populaire, des différentes figures de la vie populaire, le projeteur de bois, le chanteur, l'arracheur de dents, tout ce que vous voulez. Et donc, au-delà de la question de la promenade, il y a la question du mouvement dans la ville. et la question de cette nouvelle visibilité que peuvent avoir ces figures de la vie depuis le Rock House. Il y a à la fois, donc peut-être pour la première fois, il y a des brassages qui vont se produire, le genre de brassage dont on parle beaucoup dans le texte sur le 19e siècle. Voilà, j'arrive à la fin. Ici, donc, une image d'un vendeur d'Aldonac, de l'hôtesse Hollande, qui sont plus ou moins des journaux. Donc, c'est l'image montre les commentaires sont parfois intéressants à suivre. Hein. L'action naissante dans la rue de la presse, le prieur d'Almanac. Bon. Donc ici on voit deux vues de la même personne et on a presque l'impression du geste de tourner et de s'adresser à un public au milieu de l'espace. Voilà, et donc ici deux scènes extrêmement théâtrales, avec des bateaux, avec des gens qui marchent sur les rives, etc., etc. Donc dans une intensité de vie urbaine, quelque chose qui était vraiment impossible à imaginer avant le début du XVIIe siècle. Voilà. Donc, je reviens à la notion d'espace libre. Alors, donc, à travers ce travail sur la promenade du XVIIe siècle, qu'est-ce qui se fait? Quelque part, on est en train de parler de ce qui pourrait être le moment d'apparition des caractères, des caractères principaux de la grande ville. Hein. Et la notion de. C'est à travers, il est intéressant que dans cet exposé, on place au cœur la pratique de la promenade. Hein, parce que c'est là où on a une sorte de convergence entre les questions en rapport avec les pratiques spatiales, l'expérience corporelle, et en même temps, par là, on rentre très directement dans des questions d'aménagement de l'espace, d'embellissement, projet d'embellissement. Alors ici, quelques images. Deux images de plans qui sont conçues par Gaston Bardet, un urbaniste avec Marcel Poit dans les années 30, dans le cadre d'un livre où on va afficher une fois pour toutes l'adhésion aux idées d'Henri Bergson. Hein, il n'y a plus le moindre recours au principe de la causalité. Tout ce qui reste ici, c'est l'idée de dégager par touche des phénomènes majeurs qui émergent, de les accompagner, de réagir par rapport à ces émergences. Donc ici, ce qui est montré, c'est une série de surfaces. On commence dans Paris, c'est une représentation assez abstraite finalement, où on voit ce qui sont appelés des morceaux de substance urbaine, c'est-à-dire par exemple, ça peut être autour d'un couvent, comme ça peut être autour d'autres institutions publiques, ou autour d'une forme d'activité, comme l'abattoir ou le thermique. Hein. Et on montre comment, à différentes périodes, les activités se déplacent d'un endroit à un autre, ou se doublent. Plus loin, enfin, qui se reproduit à l'extérieur de l'espace de la ville. Donc il y a ici une sorte de représentation radicalement organiciste, si vous voulez, de la croissance, hein, qui fait abstraction totale de tout ce qui est de l'ordre du plan d'expansion, du plan conçu, dessiné, décrété. Hein. Tout se passe comme si la vie aurait... la vie, je choisis enfin, le mot de la période n'est pas la même, plus la vie... s'imposait même à ce qui concevait ces projets. Bon, dernière image qui met en relation, donc qui montre le cadre géographique de Paris et les différentes manières d'occuper les éléments constitutifs de ce, les éléments de ce cadre géographique à côté des Valles. Donc on a l'île de la Cité, on a la montagne Sainte-Geneviève qui rive gauche, hein, en bas. On a donc la plaine vers le nord, ensuite les collines, les hauteurs vers Montmartre, etc., qui sont montrées. Et donc les activités sont indiquées avec les chiffres, avec les lettres, les emplacements. Hein. Et dans ce livre, il y a d'autres chemins qui vont montrer un peu comment, tout seul, d'une certaine manière, ces éléments vont se reproduire ou se déplacer. Au fur et à mesure que Paris évolue. Donc, juste pour un mot pour conclure, ce qui est surprenant, ce qui peut être surprenant, c'est le fait qu'en même temps que toute cette recherche se fait par cet historien qui est très impliqué dans le milieu urbanistique, les urbanistes sont presque tous en train de suivre un cheminement inverse. Hein. C'est-à-dire, il y a recours de plus en plus fréquent à la source, aux sources quantitatives et à des modes de représentation de l'espace de plus en plus abstraits. Hein. Le plan va de plus en plus, sera de moins en moins figuré, de plus en plus abstrait. Il va intégrer des pictogrammes. Il sera souvent associé de manière directe à des tableaux de statistiques, etc. Et donc, et le recours à des notions, à des idées de fonction, va être de plus en plus affirmé avec le temps. Et cependant, les textes de poètes, aussi les textes d'un certain nombre d'autres personnes, comme Patrick Guedes, vont régulièrement faire réapparition à travers le XXe siècle. Par exemple, auprès des architectes du Tin Tin, hein, à nouveau, un autre moment très important, c'est le moment où l'introduction à l'urbanisme, écrit par Baudin en 1929, sera republiée chez Anthropos, sous la direction de Louis Lefebvre, qui est tout sauf parisonien, mais qui apparemment a été sensible à ce qu'un personnage de l'époque a appelé la souplesse savoureuse du concret, tel qu'on le rencontre dans cette approche de la vie. Merci. Merci Steven pour cette exposé qui nous montre bien qu'effectivement, à un moment donné, l'évolution du ville, de sa densification, de son état humain, la planification urbaine et les attentes usagères se répondent, s'emboîtent. Effectivement, les uns et les autres sont obligés de cohabiter. Je vous propose à présent de passer aux questions au débat, aux questions de la salle. Hein, il y a un micro qui circule pour ceux qui veulent s'adresser à Steven et Lémis. Je vous demanderai simplement de vous présenter avant de poser votre question, s'il vous plaît. Merci.